Cédric qui médite pour le vrai combat. C'est la casse conception, ça vient de Créteil 94 000. Smaam les SRP. Les paroles sont bizarres, le peuple est oppressé. L'atmosphère est bizarre, Chétan est trop blessé. Y'a un putain de bazar, Ghetto tu sais ce que c'est. Le destin devient hasard, t'es bon pour encaisser. Ici ça brasse deux, là-bas ça brasse deux. Pour t'enfer là, tout ce qui se passe deux. Les dards refroidis, comme des menaces deux. Rien d'imagine, rien du sudo. Fidèle au chargeur, les paroles sont des armes, sont des banlieusards morts dans les milieux arpis, cette bordel. La mort traîne dans un portel picou, suivi d'un cortège, c'est un ensorcel. Mes cousses, les corps cinglent, les sens dans les cocktails. La coupe du mal n'est pas encore pleine. Pénétration de la violence dans notre génération. Célébration dans le pouvoir, en pleine accélération. D'action entre voyous et flics sans modération. Ton destin prend fin sur une table dopée. Ration des rations pour se doper, et moi je te mets au parfum. Le peuple agit par haine et parfum. Éduqué, nourri au parpaing, je veux pas être larbin, des patrons et des larcins. Rien d'imaginaire, quand l'état en fragile l'air. Toute l'année c'est l'hiver, shit dans les feuilles, du whisky dans les verres. Les paroles sont bizarres, le peuple est oppressé. L'atmosphère est bizarre, Chétan est trop pressé. Y'a un putain de bazar, Ghetto tu sais ce que c'est. Le destin devient hasard, t'es bon pour encaisser. Ici ça brasse deux, là-bas ça brasse deux. Pour t'enfer là, tout ce qui se passe deux. Les dards refroidis, comme des menaces deux. Rien d'imagine, réel du sudo. Qui dit fait rire et qui fait taire, ça se passe dehors. La parole veut son pesant d'or sur cette terre. Mais le sérieux prime et on voit vite la faille. C'est plus fiable, c'est plus viable. Et ça devient une substance buvable qu'on ravale vite. Les heures, les semaines, les mois, ça fait des années que tu traînes les semelles. Et l'espoir s'en mêle à la haine. Tout s'en là, c'est le chétal t'emmène. L'atmosphère te lasse, c'est le bizarre comme le ghetto. Tu ressens ce bout pointu comme la lame d'un couteau. Il te presse à la gorge et t'en crache l'éclair. Les envies de guerre et d'encaisser. Y'a un sentiment d'oppression qui plane dans l'air. Et cette odeur de prison qu'empèse dehors. Nos paroles sont plus fortes et valent maintenant leur pesant d'or. Elles sont dites pensées, ressenties avec le corps. À l'intérieur le cœur, à l'intérieur une âme sale ou pure. Je pourrais pas te le dire, trop de saloperies en tout genre. Et les savouris à toutes les paroles sont des arts. Le peuple est oppressé, l'atmosphère est bizarre, Chétan est trop pressé. Y'a un putain de bazar, Ghetto tu sais ce que c'est. Le destin devient hasard, t'es bon pour encaisser. Ici ça brasse deux, là-bas ça brasse deux. Faut t'en faire là, tout ce qui se passe deux. Les dards refroidis, comme des menaces de. Rien d'imagine, du sudo. Les petites soumises, des paroles qui vont loin. Des paroles accusant le masculin. Mais le masculin est le même pour tout le monde. Même dans sa différence, chaque personne se rejoint. Chaque personne a sa part de responsabilité. Quelles que soient les conséquences, obligatoire et relaxé. Gentille petite fille, pourquoi l'as-tu accepté ce bonbon? Pourtant tes parents t'ont appris qu'il ne faut jamais prendre ce qui appartient à l'inconnu. Hier, le malheur s'abattait, violé, abattu. Dans ces maisons, les larmes mille plus et les cœurs se tuent. Aujourd'hui, vous en doutiez, la douleur a survécu. Elle s'agrippe, elle souhaite chaque jour la bienvenue. Message à ceux qui la croisent, inculquer lui la retenue. La vie ce n'est pas la gloire, c'est juste un test absolu. On est tous ciblés par les menaces verbales. Un taux de munitions politiquement lu. Les paroles sont des armes et je me sens abattu. Mais dans tous les cas, le combat je continue. Les paroles sont des armes, le peuple est oppressé. L'atmosphère est bizarre, Chétan est trop pressé. Y'a un putain de bazar, Ghetto tu sais ce que c'est. Le destin devient hasard, t'es bon pour encaisser. Ici ça brasse deux, là-bas ça brasse deux. Faut t'en faire là, tout ce qui se passe deux. Les dards refroidis, comme des menaces deux. Rien d'imagine, réel du sudo. Les paroles sont des armes, le peuple est oppressé. L'atmosphère est bizarre, Chétan est trop pressé. Y'a un putain de bazar, Ghetto tu sais ce que c'est. Le destin devient hasard, t'es bon pour encaisser. Ici ça brasse deux, là-bas ça brasse deux. Faut t'en faire là, tout ce qui se passe deux. Les dards refroidis, comme des menaces deux. Rien d'imagine, réel du sudo.